contre les menées plus ouvertes des impérialistes américains et de leurs suivistes pour étouffer la République populaire démocratique de Corée, l'Association russe d'amitié et de coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée et le Forum allemand anti-impérialiste ont publié respectivement une déclaration les 13 et 14 septembre. Par ailleurs, Diodre Griswold, membre du secrétariat du Comité national du Parti mondial des ouvriers des États-Unis et rédacteur en chef de l'organe du parti Vokoswold, a publié un article titré « Les menées de guerre des États-Unis aggravent la crise dans la péninsule coréenne ».